Les fausses joies qui déçoivent tant. Saint Stanislas Kostka a écrit « Je ne me sens pas né pour ce monde, mais pour des choses plus excellentes. Dieu m'a créé pour lui. » La foi en Dieu nous détache de cette obsession d'acquérir toujours plus et nous apprend le contentement. L'amour de Dieu nous détache de l'amour du monde et de ses fausses promesses de bonheur. La Bible dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Le monde est une charogne que poursuit les chacals. Saint Augustin a écrit « Tous les hommes redoutent la mort du corps. Très peu se mettent en peine de la mort de l'âme. » Les cimetières prêchent toute la vanité de cette vie. Personne n'écoute plus les enseignements des cimetières. Les morts sont pourtant les plus formidables prédicateurs de vérité. Leur silence glacial est d'une effrayante éloquence. Pour ma part, je visite souvent les cimetières. C'est pour moi la meilleure façon de réaliser à quel point mes soucis et mes plaisirs, mes amours et mes haines ne sont tous ensemble que vanité. Il ne restera de nous que ce que nous aurons abandonné de nous. C'est pour l'éternité que Dieu nous a créés. Et pour bien vivre, nous devons le faire en fonction de cette réalité. La terre est ton navire et non ta demeure. La vie est un pont. Le pont est fait pour passer, non pour y construire une maison. Augustin a écrit « Nous sommes tous mortels. C'est une raison pour nous de soumettre notre vie à la règle de la parole de Dieu et non de nous enorgueillir. De quoi peut s'enorgueillir un ver de terre qui mourra demain ? Si vous perdez votre âme, tout est perdu. Si vous la sauvez, tout est sauvé. Vivons en fonction de ce qui compte au ciel. » Le vieux père Arnold a écrit « Non, votre cœur n'a pas été fait pour ce monde, qui n'est pas digne de votre affection ni de votre glorieuse destinée. Vous êtes créé pour de plus grandes choses. Vous êtes né pour la vie éternelle. Vous êtes destiné à des biens infinis. Ne vous traînez donc pas dans la boue, puisque vous êtes fait pour régner à jamais. » Fin de citation. L'homme est un pauvre chasseur de vanité. Derrière chaque fortune, dit-on, se cache un crime. Mais la vie est plus importante que les accessoires. Et connaître Dieu personnellement vaut mieux que l'argent. Les biens matériels remplissent la vie, mais vident le cœur. À quoi bon les richesses, les honneurs, les plaisirs, si votre cœur ne trouve pas le repos et la satisfaction qu'il cherche? Le monde tout entier, que peut-il vous donner si ce n'est l'inquiétude et l'amertume du cœur? Le père Arnold a encore dit « Ainsi, ce n'est qu'en Dieu que vous trouverez le repos. Il n'y a que lui qui puisse vous suffire. » Les soucis matériels étouffent la vie. La solution aux problèmes d'inquiétude est la simple confiance en Dieu. La foi nous détache de l'inquiétude et nous redonne la sérénité. S'appuyer sur notre Créateur n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. La préoccupation des choses spirituelles engloutissent les préoccupations temporelles. Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Alors développons notre foi et notre intérêt pour les choses spirituelles. Lisons les évangiles quotidiennement et parlons souvent avec notre Créateur. Notre existence en sera certainement transformée. Le monde, tel que nous le connaissons maintenant, cessera un jour d'exister. La vie et ses soucis ne sont qu'une rosée qui paraît pour peu de temps. Mais le croyant possède des fondements éternels. Le monde spirituel deviendra plus réel à mesure que votre foi grandira et votre paix en sera augmentée. L'apôtre Paul a écrit « Car nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors ceux qui vivent uniquement pour se donner du plaisir sont en dessous même des animaux. Saint Augustin a écrit « Qu'y a-t-il de plus beau et de plus doux parmi les ténèbres et les amertumes de cette vie que de s'occuper toujours de la pensée des choses célestes et d'être toujours en esprit dans le séjour éternel de la véritable joie ?» La doctrine du Seigneur Jésus-Christ est vérité. et infiniment supérieur à toutes les philosophies de ce monde. L'enseignement du Seigneur ne procure pas des biens périssables, des jouissances passagères ou une réputation vaine, mais elle achemine vers des richesses immenses et durables, vers des délices ineffables et perpétuels, vers une gloire supérieure et éternelle. Que les mondains regardent cette terre noire et maudite, eux qui n'attendent rien au-delà. Mais nous qui avons mis notre espérance dans les biens futurs, ô aimons à regarder le ciel. Oui, il y a une vie après la vie. Jean-Nicolas Gros a écrit « Tu désires être toujours heureux et par conséquent exister toujours. De là, malgré la brièveté de ta vie, ces projets, à qui tu ne donnes aucun terme, cet élan vers les siècles à venir, ce sentiment d'immortalité que tu portes en toi et qui se manifeste en toute rencontre, de là cette horreur naturelle de la mort, cette idée flatteuse de te survivre dans tes enfants et de subsister après le trépas dans le souvenir des hommes. Tu n'éprouverais rien de semblable si ton existence devait finir avec cette vie. La saine raison enseigne à tous les hommes le dogme d'une vie après celle-ci. Toutes les religions, même les plus absurdes et les plus fausses, l'ont cru. Tous les philosophes sensés en ont fait un point capital de leur doctrine. Et pour nier l'éternité et la mettre en doute, il ne s'est trouvé que quelques esprits faux et des cœurs corrompus. L'athéisme est une invention nouvelle. La vie est fragile, c'est une certitude qu'elle se brisera. La vie est telle une porcelaine que l'on pousse lentement du doigt jusqu'au bord de la table. Croire est le cri de la nature, et ravir à l'homme l'espoir d'une autre vie et d'une autre félicité que celle qu'il cherche inutilement sur la terre, c'est le pousser dans un ravin. D'ailleurs, les richesses, les honneurs, les plaisirs n'agissent que sur les sens, mais ne font pas le bonheur d'un être intelligent. Seigneur, ayez pitié de nous tous, car c'est un grand paradoxe d'être enraciné dans la terre et de devoir monter dans le ciel. Prions. Mon Dieu, j'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Tu es la lumière du monde. Tes paroles éclaireront les chemins de ma vie. Je consacre désormais ma vie à te suivre et à te ressembler. Tu es la bonté, la douceur, la gentillesse même. Refais-moi à ton image. Amen.